Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport complet de l'édition du 10 janvier. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant que le maire de Dolbeau-Missassigny, Pascal Cloutier, est revenu sur l'article qui a eu lieu dans le Nouvel Hebdo durant le temps des fêtes, où sous la plume de Serge Tremblay, on apprenait qu'il y avait eu des analyses qui ont été faites à l'endroit où sera situé le nouveau complexe Aquagym. Et ces analyses montraient des fissures, ce qui faisait en sorte que le projet avait des dépassements de coûts de plus de 3 millions. En entrevue sur les ondes de l'anadiosport.com, le maire Pascal Cloutier a expliqué à quoi montraient ces analyses. Suite à des différentes analyses qui ont été faites, entre autres sur le terrain, où il y aura cette future piscine-là, ben, on s'est aperçu là, qu'il y avait une ancienne réserve de copeaux qui était là, le copeaux écorce là, qui probablement date de plusieurs années. Donc, ce que ça fait en sorte, c'est que ça crée un sol qui est beaucoup moins stable. Donc, en faisant des analyses, on s'est rendu compte que les gymnases en tant que telles avaient des fissures au niveau des murs. Ouais. Donc, ce que ça fait, c'est que nous, la piscine va, dans le projet, aller s'accoter, si on veut, après ce gymnase-là. Donc là, avec cette analyse-là, ben là, ce qu'on est arrivé, c'est... Ben, on n'a pas le choix, il faut défaire le gymnase et en refaire un mur, parce qu'il y a beaucoup de demandes, entre autres, là, pour l'activité au niveau du gymnase de ce secteur-là. Donc, ce que ça fait, ben, ça fait un dépassement de 3 millions. Donc, la partie qui manque, là, c'est la partie du 3 millions. On a eu des discussions avec l'équipe de M. Couillard à plusieurs reprises là-dessus. Ce qu'on semblait nous dire, ben, c'est que ce 3 millions-là, un peu avant l'élection, là, l'information qu'on avait, c'est que ça allait être réglé. Ça allait être financé à 100% par le gouvernement du Québec, entre autres au niveau du MAMO, là, le ministère des Affaires municipales, l'argent est promené de là, parce qu'au niveau du ministère de loisirs et sports, ben, il n'y a plus d'argent. Okay. Mais sauf qu'il est arrivé les élections, puis là, on est comme d'un trou noir, si on veut, là, on ne sait plus trop. Pour Pascal Cloutier, ben, il n'est pas question, selon lui, de réduire le projet. Selon Pascal Cloutier, le projet est déjà au minimum. Il a déjà été revisé. Là. Okay. On a déjà fait beaucoup de on y va, nous on pense vraiment que ce qu'on présente là, c'est vraiment c'est un minimum. Là. Parce qu'en même temps, oui, c'est beau de couper un projet, mais il ne faut pas arriver non plus avec un projet qui ne répond pas aux attentes et à ce que les gens s'attendent de ce complexe-là. Là. Donc, je comprends ça, mais en même temps, il faut y aller avec un projet qui a du sens. Ouais. Puis nous on estime là, puis si on regarde les projets de piscine qui se font partout là, ben à 16 millions là, parce qu'il y a beaucoup de projets qui se font autour de 20 millions des piscines olympiques nous à un moment donné on avait l'option d'avoir un plongeon de 3 mètres, on l'a enlevé. Okay. Donc ça, ça a coupé beaucoup les coûts, donc oui on a épuré le projet, mais à un moment donné il y a comme un minimum, puis pour nous, le minimum, là, ben, c'est ce projet-là. OK. Dis-moi, Pascal Cloutier explique dans un dernier temps que la firme qui a été mandatée pour trouver du financement à l'extérieur de Dolbeau-Missassigny devrait se mettre au travail très prochainement. Oui. Ben, nous, dans ce dossier-là, entre autres, il fallait la firme, le mandat a été accordé à la firme, et là, ça devrait commencer. Là. Ce qu'on avait dit, c'est qu'en 2019, là, en début d'année, on allait vraiment tombé dans cette campagne de financement-là avec la firme BMP Performance. Puis ça, ben c'est oui, c'est réglé. Puis il y a un montant qui était à gauche, entre autres, pour ça. Donc ça, là, on devrait en entendre parler là, dans les prochaines semaines. Une nouvelle intéressante pour les joueurs de soccer de Dolbeau-Missassigny, à compter de l'été prochain, soit l'été 2019, le terrain de la polyvalente Jean Dolbeau sera éclairé. En effet, l'association de soccer de Dolbeau-Missassigny va louer en collaboration avec la ville des gros luminaires qu'on voit sur les gros chantiers de construction. Évidemment, ça va éclairer de façon adéquate le terrain Jean Dolbeau et tenir des matchs plus tard en soirée. Véronique Pilote estime que c'est vraiment une bonne nouvelle pour l'association de soccer de Dolbeau-Missassigny. Vraiment, parce que plus ça allait, plus on a d'équipe, donc plus on manquait un peu de disponibilité de terrain. On avait deux équipes seniors l'été passé, une féminine, une masculine, juste un terrain éclairé, qui était le parc Lyon, qui était pas tout à fait assez grand pour le soccer masculin, surtout. Ouais. Donc, ça nous prenait vraiment un éclairage à Jean Dolbeau, là, par sécurité aussi, parce que même les arbitres de l'extérieur trouvaient ça dangereux de venir arbitrer le senior masculin, parce que le terrain était trop petit. Okay. Les joueurs se plient dessus. Il y avait un match qui nous intéressait dans la Ligue de hockey junior régional. Ça s'est déroulé mardi. Et victoire du côté des Marquis de Jonquière, 5-2 sur les Saguenayens de Chicoutimi. Dans le match, faites noter que Hugo Cyr a été le meilleur joueur avec une production de 3 buts. Du côté maintenant du Pee-Wee Hall dans la Ligue Saint-Pilote, les matchs recommençaient au cours du week-end dernier. Et à noter qu'il y avait un match qui nous intéressait. Les Aiglons d'Alma ont défait les Hurricanes de Lac-Saint-Jean par la marque de 3-2. Du côté maintenant du Pee-Wee Bay, il y avait également des matchs. Les Aiglons d'Alma ont défait les Sabres de Roberval 3-2. Et du côté maintenant de la Ligue nationale de hockey, hier, l'Avalanche du Colorado qui a perdu par la marque de 5-3 contre les Flames de Calgary. Ça va pas bien pour l'Avalanche du Colorado. Ils ont subi 6 revers au cours des 9 derniers matchs. Samuel Girard de Roberval a été blanchi, a joué 19 minutes 23 et a terminé le match à moins 2. J'ai vite écouté la section entrevue de DanRadioSport.com. Hier, on a parlé avec le maire de Dolbeau, Mistassini, Pascal Cloutier, pour faire la lumière sur le projet Aqua Gym. On a également parlé avec Véronique Pilote, qui nous parle de l'association de soccer de Dolbeau-Mistassini. Il y aura un terrain éclairé à compter de l'an prochain à la polyvalente Jean Dolbeau. Marc Fortier vient nous parler de l'actualité dans la Ligue nationale et Billy Ménard du multiconcessionnaire de Dolbeau-Mistassini. Le sport local et régional à DanRadioSport.com. On s'en occupe.